On est luthier chez les Laberte depuis sept générations. Depuis cette génération. Cette génération. La maison Laberte était fondée en 1780. Oui. Bon. Et alors, moi, je n'ai connu de luthier que mon grand-père Laberte.